Bonjour, Flaminia. J'allais vous chercher. Adieu, Arlequin. Qu'est-ce que cela veut dire, adieu? Trivelaine nous a trahis. Le prince a su l'intelligence qui est entre nous. Il vient de m'ordonner de sortir d'ici et m'a défendu de vous voir jamais. Malgré cela, je n'ai pu m'empêcher de venir vous parler encore une fois. Ensuite, j'irai, ou je pourrai, pour éviter sa colère. Ah, me voilà un joli garçon à présent. Je suis au désespoir, moi, me voir séparé pour jamais d'avec vous, de tout ce que j'avais de plus cher au monde. Le temps me presse. Je suis forcé de vous quitter. Mais avant de partir, il faut que je vous ouvre mon cœur. Ah, qu'est-ce, mamie? Qu'a-t-il ce cher cœur? Ce n'est point de l'amitié que j'avais pour vous, Arlequin. Je m'étais trompé. C'est donc de l'amour? Et du plus tendre. Adieu. Attendez, je me suis peut-être trompé moi aussi sur mon compte. Comment? Vous vous seriez mépris? Vous m'aimeriez? Et nous ne nous verrons plus? Arlequin, ne m'en dites pas davantage, je m'enfuis. Elle fait un ou deux pas. Restez! Laissez-moi aller, que ferons-nous? Parlons raison. Que vous dirai-je? C'est que mon amitié est aussi loin que la vôtre. Elle est partie. Voilà que je vous aime. Cela est décidé. Et je n'y comprends rien. Ouf! Quelle aventure! Je ne suis point marié par bonheur. Il est vrai. Sylvia se mariera avec le prince, il sera content. Je n'en doute point. Ensuite, puisque notre cœur s'est mécompté et que nous nous aimons par mégarde, nous prendrons patience et nous nous accommoderons à l'avenant. J'entends bien, Arlequin. Vous voulez dire que nous nous marierons ensemble? Vraiment, oui. Est-ce ma faute à moi? Pourquoi ne m'avertissiez-vous pas que vous m'attraperiez et que vous seriez ma maîtresse? M'avez-vous averti que vous deviendriez mon amant? Morbleu, le devinais-je? Vous étiez assez aimable pour le deviner. Ne nous reprochons rien, Flaminia. S'il ne tient qu'à être aimable, vous avez plus de tort que moi. Épousez-moi, j'y consens, Arlequin. Mais il n'y a point de temps à perdre, et je crains qu'on ne vienne m'ordonner de sortir. Ah, je pars pour en parler au prince. Ne dites pas à Sylvia que je vous aime. Elle croirait que je suis dans mon tort, et vous savez que je suis innocent. Je ne ferai semblant de rien avec elle. Je lui dirai que c'est pour sa fortune que je la laisse là. Fort bien, j'allais vous le conseiller. Attendez, et donnez-moi votre main, que je la baise. Après avoir baisé sa main, qui est-ce qui aurait cru que j'y prendais tant de plaisir? Cela me confond.